Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour, bienvenue, c'est le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés, qui les écoute pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante, en direct, vendredi 22 février, rediffusion du samedi 23, du mardi 26. Bienvenue à vous. On va passer quelques minutes ensemble pour parler de ces nouveautés. On va entendre des bonnes choses, des choses qui sont peut-être un petit peu moins bonnes. On va y aller avec Justin Hines, son nouvel album s'appelle Sides. Et tout de suite, voici la pièce There Always Next Time. Au poste d'écoute, au 89.1 FM, dans vos oreilles. Crowded rooms were never my style. I longed for solitude with you, even for a little while. This conversation's just a little dry, but it can't be saved with a short embrace or a long goodbye. I could not pave the road ahead. God knows I tried, but there's always next time. To leave alone and leave it alone took everything I had. Maybe more, I'll never know. No one said it was for sure, but I've lost my shame and I hope you've lost yours. Winding as it might have been, don't hate the ride, 'cause there's always next time. Always next time. Soon I'll rise, but who knows when. I won't see it as a loss, but that's my cause. Oh, but if love should ever call again, wait with open arms. And their money were long past spent, but God knows we tried. But there's always a next time. Yeah, there's always a next time. All right. There's always next time. Justin Hines, Justin Hines et la pièce There's Always Next Time de son album qui se nomme Sides, myspace.com/Justin Hines. Il vient de Newmarket en Ontario. Si vous voulez vous renseigner, ben, vous pouvez aussi aller voir le justinhines.com, un auteur, compositeur, interprète. Voilà. Il s'en passe des choses dans cette édition du poste d'écoute. Plein de revirements de situation, de bonne musique. On s'est bien amusé. Mais ça va être l'heure de se quitter, hein, de se quitter pour les nouvelles de Radio-Canada. Comme ça, c'est ce qu'on s'en va faire. Petit résumé de ce qui s'est passé dans cette deuxième heure mouvementée. On a entendu Great Bloomers avec leur album éponyme. Remote Kid a affronté l'album Crimson Diablo de Shift 7. Et bien, Remote Kid, ben, qui a gagné avec son EP Don't Make Me Quote Kennedy. On a aussi entendu The NTQs avec Sinners and Saints et Justin Hines avec son album Sides dans la troisième et dernière heure du poste d'écoute. Il va y avoir un paquet de bonnes choses, dont Chris Coaster et David Wesley. Et je crois qu'on va recevoir un invité tout à fait spécial et honorable dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Restez avec nous, on se quitte sur une deuxième pièce de Justin Hines. It's nice to know. I've seen the seasons in their glory. Each one brings a different morning to my door. But still somehow I'm looking forward to a sunrise, but I don't have to face a storm to go outside. Yeah, that'd be nice. And here at last, with a newfound understanding, all the baggage notwithstanding, it means no more, and all is well. But I'm looking into friendly eyes. I'll hold the hands that keep me warm and hang on tight. That's my plan. Yeah, that's my plan. 'Cause it's a fine time for April on the ground. I've never been one for the cold, and I'd say goodbye to walkways light and white and knock it down. 'Cause it's a fine time for April on the ground. Miles away, there's a man that's sad and lonely. His favorite saying is if only, while on his knees and he bids farewell to a hardened woman he created. It's been years in the making, but she's on her way. And I think I heard them say, yeah, I heard them say, it's a fine time for April on the ground. I've never been one for the cold, and I'd say goodbye to walkways light and white and knock it down. 'Cause it's a fun time for April on the ground. Never did get used to the cold, and I'd say goodbye to walkways light and white and knock it down. Oh, 'cause it's a fine time for April on the ground. Yeah, and it's a fine time for April on the ground. Well, I've never been one for the cold. Alright. And I'd say goodbye to walkways light and white and knock it down, knock it down. 'Cause it's a fine time for April on the ground. Vous êtes assez fous. 89.1. Troisième heure du poste d'écoute au 89.1 FM, Danny Janvier qui est avec moi pour placoter un peu de même. Oui, oui, bonjour. Ben oui, salut. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui dans la troisième heure? Je vais parler de taxi nouveau et de Substractive Lad. Substractive Lad. Non, Substractive. Substractive. Lad. Lad. Tantôt. Tantôt. Mais on commence par un petit peu de Canadian. Si on serait pas à radio, je te dirais, va donc chier. C'est un joke. Quoi? Qu'est-ce que tu dirais? Je te dirais, va chier. Mais va donc te faire, toi, Carl. But I still can't seem to remember your face. You're worthy of the word of beauty, and my mind can't hold the memory in place. You come and let me adore you, then the world demands you make your escape. Beautiful you look when you're walking out the door. A sin to the symphony, a sex love and morality, and one of the three has got to go. I can't hold a strong belief for this thing between you and me, and I only need a dose of love. Found you in the cemetery, on your back, watching the stars. 'Cause you know the only point in living is to die while being held in the highest regard. Credibility is the only currency that means anything in your sense of urgency. Always let the world know who you are. We'll be right back. Cause all the boys that hang around, I seen the way they've been staring. I haven't seen you shoot them down. I got this disposition, it causes much disparity. You got the things I'm missing. Custer, la pièce Sex, Love and Morality, pièce titre de son nouvel album qu'on a reçu assez fou cette semaine. C'est un artiste de Kingston en Ontario. Il dit qu'il fait du rock indie pop. Il est en spectacle un petit peu partout en Ontario pendant le mois de mars. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le chriscuster.ca, K-O-S-T-R.ca, le myspace.com/chriscuster ou encore le site du poste d'écoute au www.unechance.com. Une chance qu'on a, une chance qu'on a. Oui. Danny, j'en viens avec son bloc Fidèle au poste. Ça va bien, Danny? Ben, ça va bien. À un moment donné, je vais me faire une petite musique exprès là, quand j'aurai du temps. Là, cordonnier mal chaussé. Là, c'est... Et là, qu'est-ce qu'on écoute derrière moi? Là? On écoute Subtractive Lad, qui est un projet d'un musicien de Vancouver qui veut redéfinir l'essence de la musique électronique. Rien de moins. Ben oui. Hein. C'est très, très ambiant, très relax. Ça fait depuis quelques mois, j'étais amené des trucs comme Light Out Asia ou Near the Parenthesis. Ouais. C'est sur la même étiquette, M5MD, qui est une branche de BMI et qui nous présente une musique vraiment semblable. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Très, très, très ambiant. Ben, c'est à découvrir. Je pense qu'on va l'écouter tout de suite. La pièce Between Us au poste d'écoute. le projet Subtractive Lad de Vancouver qui nous présenterait la pièce Between Us, son album Apparatus, très très bien. Et inquiétez-vous pas, si vous achetez l'album, il n'y a pas de surprise à un moment donné que ça se met pas à être distorsionné avec de la guitare puis du drum hardcore. Non, c'est très relax, c'est très bon. Si vous aimez le genre, bien sûr. Maintenant, on va écouter Taxi Nouveau qui nous vient de Montréal. Bon projet. Fait partie de la scène électronique montréalaise et de la scène 8-bit ou 8-bit mondiale. Il a mixé à la SAT, Festival Arcadia, dans plusieurs événements underground. Il fait sa musique à partir de Game Boy, de portables, de cartes de souhait modifiées. Donc, c'est intéressant. Wow. Tu sais, les petites musiques qui te chantent bonne fête quand tu ouvres la carte, là, c'est vraiment trippant. C'est de spécial. Taxi Nouveau, c'est Manuel Chantre, compositeur, sound designer, performeur et DJ. Il fait partie du mystérieux collectif Popcore. Il fait de la musique depuis 14 ans. L'album qu'il nous présente, c'est ça, l'album est éponyme, c'est Taxi Nouveau, qui s'appelle Taxi Nouveau. présente des pièces qu'il a enregistrées de 2004 à 2007. Il dit que ça influence des jeux vidéo des années 80, bien sûr. Évidemment. Les speed bike race, genre Excite Bike. Ouais. La liberté, les animations japonaises, la créatine, l'odeur des microchips qui surchauffent, les jouets étranges, les rues, l'amour, le nightlife et les sessions de chat étranges. Aussi, il s'influence des ninjas qui sont rapides, qui font des mouvements saccadés. On voit ses influences, c'est assez drôle. La musique est assez drôle. C'est quand même sérieux, mais en même temps, pas très. On va écouter la première pièce, qui est la 3. Ça s'appelle Fast and Free. Et puis, tantôt, si ça nous tente, on va aller écouter la pièce 4, qui s'appelle Exciting et qui fait très Excite Bike, vous allez voir. J'ai extrêmement hâte d'entendre. Donc, on s'en va écouter Taxi Nouveau tout de suite. Thank you. toujours la planète, net, au CFOU.ca. Nanoloop, hein? Ben oui, hein? C'est un petit projet fait avec Nanoloop, justement, qui est un logiciel sur Game Boy. Ah ouais! Oui! Il nous dit que les pièces 3 et 6, là, on a écouté la pièce 3 et 4, mais la première qu'on a écoutée a été faite et performée sur un Game Boy en utilisant Nano Loop. Excellent petit projet. Il dit merci à tous ceux et celles qui l'ont supporté, aidé, inspiré. Merci à ceux qui ont acheté des touches de son vieux synthétiseur pour financer cet album. La personne qui dit ça, eh bien, c'est Emmanuel Chantre, qui est l'instigateur du projet Taxi Nouveau. Petit projet assez intéressant. Je pense que Mathieu, t'as aimé ça. Moi, j'adore ça. Je suis très, très excité. Ça n'a pas l'air en ce moment, mais je suis très excité de cette musique-là et par cette musique-là. Je trouve si ça génial. Si vous verriez en studio, ça paraît. Ah oui, pour vrai? La pièce, justement, s'appelait Exciting. Et puis, juste avant, Fast and Free. Donc, allez découvrir ça. Il nous dit que, pour l'instant, dans tous les magasins Archambault du Québec, il y en a. Okay. Par contre, ça va être pour une édition très limitée parce qu'il n'a pas fait faire des millions de copies. Donc, dépêchez-vous si vous aimez cette musique assez, on peut pas dire froide, mais en même temps, un son un peu froid. Oui, mais plastique arrangé, un peu. Plastique. Saccadé, sec un peu, qui est le 8-bit, qui est l'ancêtre des synthétiseurs et tout ça. Donc, ça revient à la mode, là. C'est fou. On a reçu Matt Fuzz il y a quelques mois qui faisait de la musique de Game Boy aussi. C'était très bon. Donc, myspace.com/taxi-nouveau si les gens veulent plus d'informations, entre autres. Entre autres. Oui, entre exactement. Danny Janvier avec son bloc Fidèle au poste. Merci beaucoup. Merci. Groupe canadien maintenant, on s'en va entendre Daniel Wesley avec l'album Sing and Dance et la pièce s'appelle Untitled No. 2. C'est rendu plus très original d'appeler les pièces Untitled, par exemple. C'est un petit peu fini, ça. Mais bon, ça pourrait être bon pareil. Au poste d'écoute, l'émission qui écoute les nouveautés musicales en même temps que vous pour la toute première fois au 89.fr. Never left me. She knows everyone I've had. And I know you never left me. She knows everyone I've had. I know where you're coming from. Ain't that cool? I know where you're coming from. Ain't that cool? My girl never left me. She knows everyone I've had. I know where you're coming from. Ain't that cool? I know where. aux oreilles. Daniel Wesley, l'album Sing and Dance, on vient d'entendre les deux premières pièces de cet album, ça c'était Radio et juste avant c'était Untitled No. 2. Daniel Wesley qui se décrit comme étant du surf rock pop, il vient de Vancouver en Colombie-Britannique, il est en spectacle un peu partout au Canada, en fait là il est en Colombie-Britannique pour le mois de février, ensuite il va aller en Ontario. Pour le mois de la fin du mois de mars, le début du mois de mars. Donc, Daniel Wesley à la voix et la guitare, Alexander James Glassford III à la batterie et la percussion, Pietro Marco Luongo, acoustique et bass électrique. Influence Sublime, Jack Johnson, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Bob Marley. Le MySpace est au / Daniel Wesley Band ou encore le danielwesley.com. Les liens sont toujours sur unechance.com, unechance.com. On continue avec un autre groupe canadien. En fait, c'est pas mal tout ce qui reste dans notre gigantesque pile cette semaine. Il reste au moins l'équivalent d'une deuxième émission de 3 heures pour passer tous ces disques-là. Donc, la prochaine formation, c'est Hello Beautiful. L'album s'appelle Soundtrack for a Scenario. Et voici Asphalt Ambulance. Dans le poste d'écoute, au 89 FM, dans vos oreilles. The time in your life gotta push by the edge, the cuff of the kitchen knife. We don't got no reason, don't got rhyme to take all of your time. Don't try, don't get no credit, don't look like everybody. Stay blazing on that money, stepping dapper and grooving. Climb maybe a slaughter, got him and then you got him. Ride and shine the slummy, she's setting it on the loose. But who money bags is the last one that you said? And who your money back is right? Alright, we can live in cul-de-sac. life and the script's already sold up. There comes a point, there comes a moment in time. The night whispers got you across the line. Oh, yeah. We don't got no reason, don't got rhyme. I'm taking up your time. Grind, the days are coming, so she don't wait her time in line. Like everybody, her daddy got sugar plenty, but he don't see no tricking. No chicken, lobster sipping, Perignon. Young ma, she gon' get it good on your penny. On the 4th of the 1st, it ain't your fault, it never took you for a blessing of birth. But for all lessons of worth, ain't no point teaching. And don't bother turning life into a non-stop weekend, cause we done did it all before. But it's them that did you wrong, like a lotus flower blossom out of all that chaos. I hear your heart is strong, you've been up against all odds. See, as a child of God, the odds are always stacked against us all. Still though, when it comes to talk, there ain't much I could offer. And I know you don't want pity, cause the city full of paupers. The richer don't you know, you're an elegant princess. Judges are man-made, God alone is your witness. Judges are man-made, God alone is your witness. God alone is your witness. About how high life is. Misses a sit, but I drown when I swing and it's hard to fly on. St. Andrew's Bridge de la formation Hello Beautiful, précédé de Asphalt Ambulance, ça vient de leur album Soundtrack for Scenario. C'est un groupe du Canada qui se dit punk hip-hop latin. D'accord. Les membres Cole Martin, Charlie Royal, Dan Brady Moore, Bud Taylor et Kevin Walsh. Leur site web est au hellobeautifulmusic.com ou le myspace.com/hellobeautifulspace. Mm-hmm, vous allez pouvoir entendre des pièces là-dessus. Ils sont en spectacle un petit peu partout. Il n'y a pas de date au Québec pour l'instant. On va terminer l'émission par Kingdom of Sorrow. Leur album est éponyme et l'album sort le 19. Il est sorti le 19 février et le 25 février ailleurs dans le monde. C'est un groupe de la Nouvelle-Orléans. Ils font du metal southern rock rock. Et puis, ils n'ont pas de spectacle au Québec non plus. Le site web kingdomofsorrow.com ou myspace.com/Kingdom of Sorrow. On va terminer par la pièce Hear This Prayer for Her. Pendant que moi, je vous dis merci d'avoir été là pour le poste d'écoute cette semaine. Très, très bonne émission remplie de bonne chose, vraiment très très bon. Troisièmement, résumé rapidement, Chris Custer avec Sex, Love and Morality, Subtractive Lad avec Apparatus, Taxi Nouveau avec l'album éponyme, Daniel Wesley avec Sing and Dance et Hello Beautiful avec Soundtrack for Scenario. Allez voir le unechance.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion. Moi, je vous retrouve à La Connexion et au Palmarès C'est Fou. Le poste d'écoute est en direct le vendredi matin à 10h et les samedis et mardis à partir de 13h. Faites attention à vos genoux. Bonne journée, bonne chance, et reste à l'écoute pour Rock Classique avec Carl et Lefer qui s'en vient. C'est tout de suite dans quelques minutes.